regalo. Respect, égalité. Humilité, dignité. Et pourquoi pas je n'aurais hésité. Tokobine na système apongi anguma. Lisu moko ekolala mususu eza kovigile. Son excellence Gentili Ngobila Kil Bompeto Maître John Yabusele. Chibi, chibita Nyeme la bamba papa Aye, keko Nisa le mbombi ate Na kosa la régime Moutou ezo konda kasi mayele Oko konda te. Ah, ça le cas à fond.